Blanche de Castille, reine et régente de France, par Pitre Chevalier. Blanche, fille d'Alphonse VIII, roi de Castille, et petite-fille d'Éléonore de Guyenne et de Henri II, roi d'Angleterre, était à peine âgée de 14 ans quand sa naissance et ses mérites la firent distinguer par Philippe Auguste entre toutes les princesses de la cour d'Espagne pour orner le trône d'Hélice et charmer les joues rapides de son royal héritier. Cette heureuse union, célébrée le 23 mai de l'année 1200, amena une paix momentanée entre la France et l'Angleterre et assura en même temps les intérêts mutuels de la France et de l'Espagne. Les fiançailles se firent à Burgos, avec toute la pompe digne d'une si auguste cérémonie. Puis, conduite en Aquitaine, la princesse Castillane fut remise aux mains de la noblesse française venue au-devant d'elle pour la conduire à son royal époux. Les fiancés furent sacrés et couronnés le jour même de la Transfiguration par Guillaume de Joinville, archevêque de Reims, en présence de Jean de Brienne, roi de Jérusalem, et devant les princes et les grands aux yeux d'un concours de peuple extraordinaire. Fatigués de la guerre, les Français accueillirent cette princesse avec une joie et des transports d'enthousiasme universel. On n'admira d'abord en elle que sa beauté parfaite, que l'éclat merveilleux de son teint, qui lui avait fait donner le nom qu'elle portait, que sa démarche de reine, qui commandait la vénération et le respect. On ne fut frappé d'abord que de la douceur de sa parole, que de ses grâces décentes et de la majesté royale, qui déjà se révélait sur son front et dans toute sa personne. Plus tard, on devait y admirer un sens droit et ferme, un génie capable des plus hautes entreprises, un courage à l'épreuve des événements les plus imprévus et les plus terribles, un esprit fertile en ressources et en même temps orné, solide et délicat, en un mot, toutes les vertus d'une femme et toutes les qualités d'un grand homme. À peine Blanche fut-elle adoptée par sa nouvelle patrie, que déjà une attraction irrésistible lui eut enchaîné tous les cœurs, acquis toutes les sympathies. C'est ainsi qu'elle dominait déjà, alors que la puissance souveraine n'était pas encore en ses mains. Et l'histoire nous montre Philippe Auguste, ce prince si grand, si éclairé, cédant comme la foule à cet empire secret, quand il admettait à ses conseils les avis de sa jeune expérience et se rendait au jugement de son esprit judicieux et profond. Quand elle monta sur le trône, que la mort de Philippe II laissait à Louis VIII, la jeune reine, qui possédait déjà l'habitude des affaires, gouverna plus encore que le roi, son époux. Sans qu'elle renonçât jamais à l'austérité de ses principes, nous verrons Blanche mettre de l'adresse d'abord dans sa conduite, plus tard peut-être un peu d'innocente coquetterie, mais toujours employant tous les moyens permis pour satisfaire à sa sainte ambition, tout entière enfermée dans le bonheur, la prospérité et la gloire de l'État. Blanche ne suivit point son époux dans son expédition contre les Albigeois. Il fallait à la France un gouvernement, une direction pendant cette absence. Louis remit ce soin à sa compagne, capable plus que tout autre de porter dignement un si lourd fardeau. Puis il partit. C'était le jour de la séparation éternelle. Il ne revint que son cadavre de cette fatale expédition. Une épidémie cruelle moissonna ses armées. Lui-même en fut mortellement atteint et il expira à Montpensier, en Auvergne, le 8 août 1226, après avoir mérité par sa valeur, durant la trop courte période de son règne, le glorieux surnom de Cœur de Lion. Les suprêmes et dernières volontés de l'époux de Blanche l'avaient instituée régente du royaume, en même temps que tutrice du jeune monarque son fils. Et, la première entre toutes nos reines, sous la seconde race, elle réunit ce double titre. Elle en était digne aussi. Déjà, dans sa première régence, elle venait de prouver à la France tout ce qu'elle pouvait attendre de ses éminentes capacités. Aux côtés de Louis VIII, elle avait appris à méditer les intérêts de l'État, car elle avait jusqu'alors assisté au conseil, et elle avait même suivi le roi au combat et dans ses expéditions guerrières. Mais c'est seulement de cette époque de sa seconde régence, époque où commençait pour elle une impérieuse tâche et de graves devoirs, c'est de là que date surtout cette vie active, modèle de tous les talents politiques, et cette vie intérieure, modèle de toutes les vertus saintes et privées. Louis IX n'avait pas encore 12 ans, quand la mort de son père le fit héritier de sa couronne. Blanche ne confia jamais l'éducation de ce fils chéri à nulle main humaine. Jalouse de former seule pour le ciel et pour la France ce cœur où germaient dès lors les plus pieux et les plus nobles sentiments, elle ne voulut point remettre à d'autres aucun de ces soins qui lui paraissaient le charme de la maternité. Sa régence même, dont les premières années furent si difficiles et si pénibles, ne put la distraire de ses soins si doux, et elle se délassait des fatigues de son gouvernement, en enseignant à son fils ses devoirs de roi, ses devoirs d'homme, en répandant dans sa jeune âme tous les principes de la religion, de la morale, en s'efforçant enfin de le rendre digne du trône. « Mon fils, lui répétait-elle souvent dans son enfance, mon fils, je vous aime avec toute la tendresse dont une mère est capable, et cependant, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds que souillé jamais d'un péché mortel. » Fidèle à ses pieuses instructions, le plus saint des rois devait un jour justifier les espérances qu'une si tendre mère, et que la France aussi, qui le regardait croître avec orgueil, avait fondées sur lui. Cependant, tandis que sous la tutelle de Blanche s'élevait, calme et pure, l'enfance de ce lys royal, Blanche elle-même, fidèle gardienne du trône, que menaçait de prochains orages, avait d'abord employé tout son génie à les conjurer. Car, dans ces temps où la prospérité florissante des grands vassaux grandissait leurs prétentions insolentes, le chef de l'État sentit souvent sa couronne chancelante vaciller sous l'aquilon terrible de la rébellion, et Blanche, étrangère, offrant le premier exemple d'une femme régente, Blanche, sans soutien, seule enfin pour combattre leurs exigences ou leurs révoltes, que ne pouvait-elle attendre de leur redoutable inimitié? Elle avait déjà contre elle le plus terrible de tous ses vassaux, le plus puissant, leur chef. C'était Thibaut, comte de Champagne, qu'avait touché d'abord les charmes de la reine, et que ce téméraire amour, repoussé, avait animé contre elle d'un dangereux dépit. Thibaut était puissant et noble. Sa taille était haute et belle, sa figure séduisante. Adroit à tous les exercices de cette époque, il était le premier des preux de son temps. Avec leur ambition, il avait la fierté et l'esprit remuant de ses aïeux, leur libéralité et leur magnificence. Plein d'audace et de vaillance, il était brave à la guerre et aimable avec les siens. Son esprit était poli par l'étude et l'amour de la poésie où il brilla particulièrement. Thibaut avait accompagné le roi dans son expédition chez les Albigeois, et après les 40 jours de service, que, suivant la loi des grands fiefs, il devait à son prince, il lui avait demandé son congé. Louis VIII, qui connaissait le comte champenois, se garda bien de le lui accorder. Thibaut, d'ailleurs, lui étant encore nécessaire pour la prise d'Avignon. Néanmoins, le comte enfreignit les ordres du roi. Il partit, et la mort de son souverain dispensa ce sujet rebelle de l'effet du courroux royal. Revenu en France, le comte de Champagne reprit son rang parmi les grands vassaux de la couronne. En même temps, la reine se choisissait un conseil composé des seigneurs les moins enclins à la révolte. Ensuite, elle assembla toutes les troupes qu'elle put et mena son fils à Reims pour l'y faire sacrer. Cette auguste cérémonie devait réunir tous les grands du royaume, et cependant la plupart d'entre eux refusèrent d'y assister. Ces rebelles ne craignaient pas de dévoiler leurs véritables intentions, en témoignant leur mécontentement de voir la régence déférée à une Espagnole d'étranges pays. Ils réclamaient hautement une part à l'administration des affaires. Abaissés autrefois par Philippe Auguste, il semblait vouloir se venger de cet échec sous la minorité de son petit-fils. Alors une ligue se forma contre la reine-mère, ligue formidable, non moins terrible que celle du bien public, que 2 siècles plus tard, toutes les ruses de Louis XI parvinrent à grand-peine à déjouer. Et Blanche, cependant, eut la gloire d'en triompher, avec autant d'art et d'habileté peut-être que ce prince, regardé comme le politique le plus subtil de tous les temps. De Reims, Blanche marcha contre les rebelles, dont Pierre de Dreux, comte de Bretagne, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, Thibaut et d'autres non moins puissants, étaient les chefs. Après avoir tenté la négociation auprès de chacun d'eux en particulier, la régente recourt aux armes et se dirige vers la Bretagne, devenue le siège de la conjuration. Les rigueurs d'un rude hiver n'ont rien qui l'épouvante. Elle place à ses côtés le jeune roi qui sort à peine de l'enfance et qui, sous les yeux de sa mère attentive, va tenter pour la première fois les épreuves de la guerre. Elle marche à la tête de son armée, animant les soldats de ses exhortations et de son viril exemple. Partout, elle prévient leurs besoins ou remédie aux rigueurs de la saison par une prompte vigilance et par des soins prévoyants. Enfin, après avoir, malgré les éléments, traversé le nord de la France, dont la neige avait envahi les principales routes, après avoir perdu une grande partie de l'armée, car le froid faisait périr les hommes et les chevaux même, Blanche et les siens arrivèrent en Bretagne. Elle fit commencer les assauts de toutes parts au corps des places. Après quelques efforts noblement soutenus, la dernière forteresse enfin fut livrée aux Français. Ainsi prévenu et surpris, Thibault fut désarmé et admira tout bas le courage et l'adresse de la reine-mère, à qui seule revint l'honneur de ce siège. Mais Blanche n'eut pas le temps de jouir de ses glorieux succès. Le repos même lui fut interdit. À peine avait-elle désarmé l'un des rebelles, qu'il eut fallu se transporter d'un autre côté et combattre les efforts multipliés des autres. Instruit que le roi et la reine devaient se rendre à Vendôme, et conjuré que dirigeaient les comtes d'Évreuil de Bretagne, s'était proposé de porter à Chartres un corps de troupes destiné à enlever le roi et la régente. Mais Thibault, que Blanche, après l'avoir vaincu, avait habilement détaché de la ligue, prévint tant la reine et la préserva ainsi du piège qui l'attendait. Blanche ne se contente pas d'être échappée ainsi à un si éminent péril. Elle veut encore, par un coup hardi, s'affranchir de toute crainte en écartant leurs tentatives et en convainquant les rebelles de leur impuissance. D'abord, elle leur laissa ignorer l'importante découverte dont l'attachement de Thibault l'avait favorisée. Il feignit de persévérer dans son voyage. Réunis à Corbeil, les conjurés épiaient le moment où le royal cortège se dirigeant sur Vendôme, il devait donner le signal de la trahison. Mais la reine, avertie, déjoue bientôt leur projet. Elle s'arrête à Montlhéry, et comptant sur l'amour de son peuple, elle s'en fait une sûre égide. Elle fait prévenir les Parisiens du danger qu'elle va courir. Alarmés, ils forment soudain un corps d'armée et marchent au secours de la reine et de leur jeune roi. Le bruit de leur arrivée intimide les ligués. Ils prennent la fuite, et le roi avec la régente sont ramenés en triomphe dans la capitale. Joinville entendit souvent dire au roi que, depuis Montlhéry jusqu'à Paris, les chemins étaient remplis d'une innombrable multitude de peuples, soutenus des deux côtés d'une foule de gendarmes, et que tous criaient à haute voix que Dieu sauva le roi et la reine et confondit leurs ennemis. Blanche grava dans le cœur reconnaissant du jeune roi un si touchant souvenir. Elle lui apprit à mériter, par tous les efforts et les bienfaits possibles, une si douce récompense, et elle-même, rassurée par le témoignage de l'amour du peuple, se sentit en état de tout entreprendre et de tout exécuter pour le bonheur de l'État. Cependant, les affaires extérieures appelaient l'attention de Blanche et nécessitaient des négociations indispensables avec les puissances du dehors. Elle confirme, en 1227, l'alliance conclue avec l'empereur Frédéric II, amène une trêve d'un an avec l'Angleterre, s'assure du comte de Champagne, traite avec le duc de Bretagne et unit l'héritière de Mauclerc à Jean, son fils, frère du jeune roi. Ensuite, elle profite de cet intervalle de paix pour soumettre d'abord les Albigeois, puis le comte de Toulouse, bientôt réduit à venir implorer son pardon au pied du trône et de l'Église, et enfin, elle conclut avec la puissante maison de Toulouse, ce fameux traité de Meaux, qui réunissait ce grand fief à la couronne, chef-d'œuvre de sa régence, qui couronna tant de travaux importants. Bientôt après, Blanche trouva une occasion de reconnaître les services du comte de Champagne, contre lequel les ligués avaient tourné leurs armes et leur fureur. Elle sut préserver ce grand vassal des pièges que lui préparaient ses ennemis et le sauva par sa royale protection des dangers que lui promettaient les puissants ressentiments excités contre lui. Après 6 ans de peine et de troubles incessants consacrés à affermir sa puissance et la royauté, la reine vit approcher enfin, non le terme de ses travaux, car elle devait régner encore avec son fils, mais du moins le terme de sa régence. Elle songe alors à le signaler par une action importante en donnant à son fils une épouse digne de lui, à la France une reine digne d'elle. Elle jeta les yeux sur Marguerite, fille aînée du comte de Provence, qui charmait par sa douceur la vieillesse de son père. Marguerite fut unie à Louis IX en 1234, et Louis fut roi presque en même temps qu'époux. Ce fut en 1236 que la reine-mère se démit du pouvoir qui pesait sur elle. Elle avait abaissé un à un les ennemis du roi et aplani tous les obstacles qui, à l'intérieur comme au dehors, s'élevaient autour de lui. Louis VIII lui avait laissé un trône chancelant et menacé, elle le rendait à son fils, affermi sur des bases indestructibles. Cependant, habituée à régner, à commander, la reine se conserva toujours une autorité que Louis IX, d'ailleurs, plein de respect, de reconnaissance et de tendresse pour sa mère vénérée, ne chercha qu'à étendre. Indispensable à l'État comme à son fils, Blanche régna toujours et le roi n'agit jamais que par ses conseils. L'amour extrême de la reine-mère pour le roi, la crainte de perdre sur lui un empire qui lui était si cher, la porta quelquefois à disputer à la reine Marguerite son crédit, et plus souvent encore, les sentiments d'estime et d'affection que le saint roi avait voués à cette épouse accomplie. Mais qui pourrait reprocher à un cœur de mère une faiblesse si excusable? De nouveaux démêlés eurent lieu encore avec le comte de Champagne. Il avait cédé au roi plusieurs comtés, et s'efforçait maintenant de se soustraire aux conditions qui lui avaient été imposées. Mais Thibaut se rendit bientôt à l'influence qu'exerçait sur lui la reine-mère. Il remit au roi les provinces qu'il voulait retenir, et lui demanda grâce pour complaire à Blanche. C'est ainsi que dit la grande chronique. « À cette besogne, dit-elle, était la reine Blanche, laquelle dit au comte qu'il ne devait pas prendre les armes contre le roi son fils, et qu'il se devait souvenir qu'elle était allée secourir jusqu'en sa terre, quand les Bretons le vinrent guerroyer. Le comte regarda la reine qui était belle et sage, de sorte que tout ébahi de cette grande beauté qui toujours le faisait céder, il lui répondit « Par ma foi, madame, mon cœur, mon corps et toute ma terre est à votre commandement. Ne mets rien qui ne vous pût plaire que ne fisse volontiers. Jamais, si Dieu plaît, contre vous et les vôtres je n'irai. » C'est alors qu'on vit le roi de France, Louis le Saint, dont le cœur était le plus bel ouvrage de Blanche, et dont la renommée avait publié déjà jusqu'aux extrémités du monde la justice et les vertus, choisies pour arbitre par les nations et les souverains. Tandis que la sagesse du fils de Blanche, révérée jusqu'au fond de l'Orient, arrêtait le poignard homicide du vieil de la montagne, Rome et l'Allemagne écoutaient le jugement du Salomon de la France sur leurs différends. Et l'univers entier contemplait avec envie cet heureux royaume, où les vertus des princes avaient réuni sur les peuples les bénédictions du ciel. Cependant, en 1243, un long cri de douleur retentit par toute la France. Le roi était aux portes du tombeau. On osait espérer le sauver quand tout à coup il revint à la vie. Ses premières paroles, à l'issue de cette crise mortelle, furent pour demander la croix à l'évêque de Paris et pour prononcer le vœu d'aller combattre les infidèles, s'il plaisait au Seigneur de le rendre à l'amour de la France. Les préparatifs nécessaires à cette pieuse entreprise se prolongèrent 3 ans. Avant de s'éloigner peut-être pour toujours de son royaume, de ses sujets bien-aimés et d'une mère adorée, Louis alla prendre l'oriflamme à Saint-Denis et rendit la régence à Blanche, qui se devait à la garde de l'État. La constance de Louis fut soumise à de rudes épreuves. La douleur que lui causait cette funeste séparation s'augmentait encore de la douleur déchirante de la triste Blanche et de ses instances, qui s'opposaient pour la première fois à la pieuse résolution de son fils. Aux remontrances de sa mère se joignirent bientôt celles des plus puissants membres de l'Église. Mais Louis sut résister à tant de dangereux obstacles. Il s'arracha à l'amour de ses sujets, au bras de sa mère. Il partit. C'est qu'un funèbre pressentiment avait frappé au cœur Blanche alarmée à ce suprême moment des adieux. Et en effet, cette séparation devait être éternelle. La régence fut confiée pour la dernière fois aux mains de Blanche, et la France put oublier que Saint-Louis avait abandonné ses rivages. Les affaires de l'État eurent seules le privilège de distraire la douleur de la reine, mais rien n'eut le pouvoir de la calmer ni de l'adoucir. À peine le roi eut-il quitté la France, que déjà la reine dut s'entendre avec le pape pour empêcher Henri d'Angleterre de commettre quelque hostilité contre son royaume, et elle refusa à ce roi d'y entrer pour aller mettre ordre à une révolte qui s'était déclarée en Gascogne. Une autre occasion importante sollicita encore l'habileté de la régente. Raymond VII du nom, dernier comte de Toulouse étant mort, ses états devaient revenir, suivant le traité de 1229, à Alphonse de Poitiers, son gendre. Cette succession pouvait élever des différends entre le comte d'Anjou et le comte de Poitiers. Blanche alors envoya Guy et Henri de Chevreuse en prendre possession et prévint ainsi toute querelle. Le comte de Poitiers, à son retour d'Égypte, alla recevoir lui-même l'hommage et le serment de fidélité de ses nouveaux sujets. Cependant, le peuple se plaignait hautement des empiétements du clergé sur le temporel, et Blanche elle-même, qui s'y était toujours opposée, résolut de les réprimer. Un jour, elle apprit que les officiers du chapitre de Paris avaient jeté dans les cachots du monastère leurs serres de Chastenay, pour les punir de n'avoir point payé la taille imposée à leurs conditions. Une foule de ces malheureux languissait dans les fers, prêts à mourir de misère et de faim. La reine, d'abord, invoqua vainement leur faveur la compassion des oppresseurs, et sa démarche ne fit que redoubler la rigueur avec laquelle étaient traités ces infortunés. Indignée, Blanche se transporte elle-même avec main forte aux prisons. Là, elle ordonne qu'on enfonce les portes. Mais une sorte d'hésitation semble retarder l'effet des commandements de la reine. Tant alors était grande la crainte des censures ecclésiastiques qu'elle balança l'autorité souveraine. Alors Blanche arrache des mains d'un soldat une hache et donne le premier coup à la porte. Son exemple lève tous les scrupules. L'entrée des prisons est ouverte. Il en sort une multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, dont la marche vacillante, le teint pâle et les traits défigurés annonçaient qu'ils n'auraient pas tardé à succomber à leurs souffrances. Ils supplient à genoux la régente de les prendre sous sa royale protection, afin de les soustraire à l'affreux supplice que leur attirerait la grâce qu'elle venait de leur accorder. Blanche accueillit leurs vœux, et elle commanda qu'on tînt en saisie les revenus du chapitre jusqu'au moment où ils rendraient hommage à l'autorité souveraine dont elle était dépositaire. Elle obligea même le chapitre d'affranchir ses serfs pour une certaine somme par an. Pendant ce temps, Louis, couvert de gloire, avait gagné 3 batailles en 2 journées. Mais après des prodiges de valeur, il se vit abandonné par la fortune. Son armée fut réduite aux plus affreuses extrémités par la famine et les épidémies. Un de ses frères avait péri sur le champ de bataille. Lui-même, trahi par son courage, tombe au pouvoir de l'ennemi avec les 2 frères qui lui restent, et une pénible captivité vint terminer sa défaite. La régente, accablée de douleur à ces tristes nouvelles, songea à réparer ses malheurs autant qu'il était en son pouvoir. Son administration sage et économe avait ménagé des ressources à la France pour le jour des revers. Elle remédia ses maux en envoyant à son fils et à ses armées les sommes nécessaires pour les rançons et tous les secours dus à leur situation. En même temps, elle écrivit au roi, son fils, pour le supplier de hâter son retour. Elle lui disait que sa présence dans ses états était d'autant plus urgente qu'elle sentait ses forces décliner chaque jour. Louis, rendu à la liberté, se préparait à retourner près de sa mère, quand il apprit que les Sarrasins faisaient périr les Français prisonniers dans les plus cruels tourments. Il repassa en Palestine, et il y demeura 4 ans encore. Blanche ne put attendre ce terme tant désiré. Elle ne devait revoir son fils qu'au ciel. Tant de malheurs et la perte des troupes qu'elle avait rassemblées pour rejoindre le roi, et qui, répandues par bandes indisciplinées, étaient devenues un fléau pour la France, accablèrent le peu de force qu'il lui restait encore. Une fièvre lente, que ses amers chagrins avaient causée, s'empara d'elle et la conduisit au tombeau. Elle succomba à sa souffrance le 1er décembre de 1252. Cette mort couvrit de deuil toute la France, et la douleur des sujets de Blanche témoigna de l'immensité d'une telle perte. Quelques jours avant de mourir, elle avait pris l'habit de l'ordre de Cîteaux, qui devait à sa pieuse libéralité son monastère. Blanche fut inhumée dans cette abbaye. Son corps y fut porté sur les épaules des principaux seigneurs de la cour. Son beau visage était découvert. Elle était assise sur un trône d'or et revêtue de ses ornements royaux par-dessus l'habit de religieuse qu'elle avait pris. Dans les derniers temps de sa régence avait éclaté l'insurrection des pastoureaux. D'abord, la reine, indulgente pour des erreurs qu'elle ne soupçonnait pas, épargna ces misérables. Mais à peine fut-elle instruite de leur véritable dessein et de leur conduite qu'elle fit sévir contre eux avec une juste vigueur, et elle délivra ainsi la France de cette source de désolation. 2 ans après, Louis remit le pied sur le sol de France, chargé de 2 dépouilles royales. Il revit sa bonne ville de Paris, et il retrouva son beau royaume prospère et florissant. Seul l'auteur de sa gloire y manquait. C'était Blanche de Castille, reine et régente de France, par Pitre Chevalier.